Le dernier jour de Pompéi par Edward Bulwer-Lytton. Le nuage qui avait répandu une si profonde obscurité sur le jour s'était condensé en une masse solide et impénétrable. Il ressemblait moins aux ténèbres de la nuit en plein air qu'à celles d'une chambre étroite où la lumière ne pénètre pas. Mais à mesure que ces ténèbres augmentaient, les éclairs qui partaient du Vésuve étaient plus formidables et plus lumineux. Leur horrible beauté ne se bornait pas aux couleurs habituelles du feu. Jamais arc-en-ciel n'égala leurs teintes changeantes et variées. Tantôt elles paraissaient bleues comme l'azur le plus profond de la mer du Sud, tantôt vertes et tantôt livides comme la peau d'un serpent. Les éclairs affectaient parfois la forme et les replis de ces énormes reptiles. D'autres fois, c'était un rouge ardent et intolérable qui, éclatant à travers des colonnes de fumée, illuminait la ville entière, puis expirait tout à coup, devenant sombre et pâle comme un fantôme de lumière. Dans l'intervalle des pluies, on entendait le bruit qui se faisait sous terre et les vagues grondantes de la mer tourmentée, ou plus bas encore, et perceptible seulement pour une oreille attentive et pleine de crainte, le murmure sifflant des gaz qui s'échappaient des crevasses de la montagne lointaine. Par moments, le nuage paraissait briser sa masse solide et offrir, à la lueur des éclairs, des formes d'hommes ou de monstres se poursuivant, se heurtant et s'évanouissant, après ces combats moqueurs, dans le turbulent abîme de l'ombre, de sorte qu'aux yeux et à l'esprit des voyageurs effrayés, ces vapeurs sans substance paraissaient de gigantesques ennemis, ministres de la terreur et de la mort. Les cendres, en beaucoup d'endroits, s'élevaient à la hauteur des genoux, et la bouillante pluie qui sortait de la bouche enflammée du volcan entrait violemment dans les maisons, apportant avec elle une forte et suffocante vapeur. En certaines places, d'immenses fragments de rochers étaient précipités sur les toits des maisons et couvraient les rues de masses confuses de ruines qui obstruaient de plus en plus les chemins. Plus le jour s'avançait, plus l'agitation de la terre était sensible. Le piéton chancelait sur le sol. Ni char ni litière ne pouvaient se tenir en équilibre, même sur le terrain le plus uni. On voyait les plus larges pierres se choquer les unes contre les autres en tombant, se rompre en mille morceaux et lancer d'immenses étincelles qui embrasaient tout ce qui se trouvait de combustible à leur portée. Le long des plaines, hors de la ville, l'obscurité fut dissipée un moment d'une façon terrible. Plusieurs maisons et des vignobles entiers étaient la proie des flammes. Ces incendies éclataient tout à coup au milieu des ténèbres. Pour ajouter à cette clarté intermittente, les citoyens avaient çà et là, sur les places publiques, particulièrement sous les portiques des temples et aux entrées du forum, essayaient de placer des rangées de torches, mais les pluies de feu et les vents les éteignaient, et l'obscurité n'en paraissait ensuite que plus redoutable. On sentait l'impuissance des espérances humaines, c'était comme une leçon de désespoir. Fréquemment, à la lumière momentanée de ces torches, des groupes de fugitifs se rencontraient, les uns fuyant vers la mer, les autres fuyant de la mer vers les campagnes. Car l'océan s'était retiré rapidement du rivage. De profondes ténèbres le recouvraient en entier. Sur ces vagues agitées et grondantes tombaient les cendres et les pierres, sans que l'on pût échapper à leur fureur, comme sur la terre qui offrait du moins la protection des édifices. Désordonnés, éperdus, remplis de craintes surnaturelles, ces groupes paraissaient à côté les uns des autres sans avoir le loisir de se parler, de se concerter, de se conseiller. Car les pluies tombaient alors, non pas continuellement, mais à des intervalles si rapprochés qu'elles éteignaient leurs torches et les forçaient à se disperser pour chercher un abri. Ils n'avaient que le temps de voir leur face semblable à celle des ombres. Tous les éléments de la civilisation étaient détruits. Le voleur chargé de butin et riant à gorge déployée du profit que lui promettaient ses dépouilles passait sans crainte à côté du solennel magistrat. Si, dans l'ombre, une femme était séparée de son mari, un père de son enfant, toute espérance de se retrouver était vaine. On se pressait, on s'enfuyait au hasard. De toutes les combinaisons variées de la vie sociale, il ne restait plus rien. Il n'y avait plus qu'un sentiment, celui de sa propre conservation. L'Athénien, accompagné d'Ion et de la jeune fille aveugle, poursuivait son chemin au milieu de ces scènes de désordre. Tout à coup, des centaines de personnes, qui se rendaient aussi à la mer, débordèrent sur eux. Nydia fut arrachée du côté de Glaucus, emportée en avant avec Ion. Et lorsque la foule, qu'il n'avait pu même entrevoir, tant l'obscurité était forte, eût passé, Ninia n'était plus auprès de son protecteur. Glaucus l'appela, pas de réponse. Ils revinrent sur leurs pas. Ce fut en vain, ils ne purent la découvrir. Il était évident qu'elle avait été entraînée dans quelque direction opposée par ce torrent humain. Leur amie, leur libératrice, était perdue, que dis-je, leur guide même. Sa cécité rendait la route familière pour elle seule. Accoutumée dans sa nuit perpétuelle à traverser les détours de la cité, elle les avait conduits sans se tromper vers les rivages de la mer où ils avaient placé l'espérance de leur salut. Maintenant, de quel côté se dirigerait-il ? Tout était pour eux sans lumière et sans issue dans ce labyrinthe. Fatigués, désespérés, égarés, ils continuèrent néanmoins leur chemin, malgré les cendres qui tombaient sur leur tête et les pierres dont les fragments faisaient jaillir en tombant des étincelles à leurs pieds. « Hélas, hélas !» murmura Yon, « je ne puis plus marcher. Mes pieds s'enfoncent dans les cendres brûlantes. Fuis, mon ami, mon bien-aimé, laisse-moi en mon destin malheureux. Tais-toi, ma fiancée, mon épouse. La mort m'est plus douce avec toi que la vie sans toi. Mais hélas, où nous diriger dans cette obscurité ? Il me semble que nous avons tourné dans un cercle et que nous sommes revenus au lieu où nous étions il y a une heure. Oh Dieu, ce rocher, vois, il a brisé ce toit devant nous. La mort est dans les rues à présent. Béni soit cet éclair. Regarde, Yon, le portique du temple de la fortune est devant nos yeux. Entrons-y. Nous y trouverons un abri contre ces pluies terribles. » Il la prit dans ses bras, et après beaucoup de peine et de difficulté, atteignit le temple. Il la porta à l'endroit le plus reculé et le plus couvert du portique, et se pencha sur elle, afin que son corps lui servît d'abri suprême contre les cendres et les pierres. La grandeur et le désintéressement peuvent encore sanctifier des moments si affreux. « Qui est là ? » dit d'une voix basse et tremblante quelqu'un qui les avait précédés dans ce refuge. Mais qu'importe, la chute du monde fait qu'il n'existe plus d'amis, ni d'ennemis. Yon se retourna au son de cette voix, et avec un faible cri, se pressa dans les bras de Glaucus, qui, jetant les yeux dans la direction de la voix, reconnut la cause de ses alarmes. Deux yeux étranges brillaient dans l'obscurité, un éclair passa, et illumina le temple, et Glaucus, en frémissant, aperçut le lion, dont il avait dû être la proie, couché sous un des piliers, et à côté de lui, sans se douter de ce voisinage, était étendu le corps gigantesque de celui qui venait de leur parler, le gladiateur blessé, Niger. L'éclair avait montré l'homme à l'animal et l'animal à l'homme, mais l'instinct de l'un et de l'autre était assoupi. Bien plus, le lion s'approcha en rampant vers le gladiateur, comme pour avoir un compagnon, et le gladiateur ne recula ni ne trembla. La révolution de la nature avait dissous les terreurs et les sympathies ordinaires. Pendant qu'ils étaient abrités d'une façon si terrible, un groupe d'hommes et de femmes, portant des torches, passa près du temple. Ils étaient de la congrégation des Nazaréens. Une émotion sublime et céleste leur avait enlevé ce qu'il y avait de terrestre dans la frayeur. Ils avaient vécu dans la croyance, erreur des premiers chrétiens, que la fin du monde était proche. Ils croyaient ce jour venu. « Malheur, malheur !» cria d'une voix aiguë et perçante le vieillard qui les conduisait. « Voyez, Dieu s'avance pour le jugement. Il fait descendre le feu du ciel à la vue des hommes. Malheur, malheur à vous, les forts, les puissants. Malheur à vous, porteurs de faisceaux et de pourpre. Malheur à l'idolâtre et à l'adorateur de la bête. Malheur à vous qui répandez le sang des saints et qui vous réjouissez de l'agonie du Fils de Dieu. Malheur à votre Vénus, à la prostituée de la mer. Malheur, malheur !» Et d'une voix sinistre et élevée, toute la troupe répéta en chœur « Malheur, malheur à la prostituée de la mer, malheur, malheur !» Les Nazaréens passèrent lentement. Leurs torches vacillaient dans la tempête. Leurs voix jetaient des menaces et des avertissements solennels. Ils disparurent enfin dans les détours des rues. La nuit et le silence reprirent possession du temple. Pendant une des interruptions assez fréquentes de l'éruption, Glaucus encouragea Yon à continuer leur chemin. Comme il se tenait en hésitant sur la dernière marche du portique, un vieillard, portant un sac à sa main droite et s'appuyant sur un jeune homme, passa devant eux. Le jeune homme portait une torche. Glaucus les reconnut tous les deux. C'était un père avare et un fils prodigue. « Mon père, dit le jeune homme, si vous ne marchez pas plus vite, je serai forcé de vous quitter ou nous périrons tous les deux. » Fuis donc, mon fils, et laisse-la, ton père. Mais je ne puis pas fuir pour mourir de faim. Donnez-moi votre sac plein d'or. » Et le jeune homme essaya de le lui arracher. « Misérable, voudrais-tu voler ton père ? Oui, qui me dénoncera dans un tel jour ? Avare, péris !» Le jeune homme renversa le vieillard sur le sol, s'empara du sac, que lui disputait mal une main sans vigueur, et s'enfuit, poussant une espèce de rugissement sauvage. « Grand Dieu ! S'écria Glaucus, êtes-vous donc aussi aveuglé par ces ténèbres ? De tels crimes peuvent faire confondre l'innocent et le coupable dans une commune ruine. Ion, partons, partons !» S'avançant comme des prisonniers qui s'échappent d'un cachot, Ion et son amant continuèrent leur route incertaine. Ce n'était que lorsque les éclairs volcaniques jetaient leurs longs sillons sur les rues qu'il leur était possible de diriger leurs pas à cette effrayante clarté. Le spectacle qui les entourait n'était guère propre à les encourager. Partout où les cendres étaient sèches et sans mélange des bouillants torrents que la montagne lançait à de capricieux intervalles, la surface de la terre présentait une horrible et lépreuse blancheur. En d'autres lieux, les charbons et les pierres s'entassaient sur le corps de quelques malheureux fugitifs dont on apercevait les membres écrasés et mutilés. Les soupirs des mourants étaient interrompus par les cris plaintifs des femmes qu'on entendait tantôt de près, tantôt de loin, cris rendus plus terribles encore par la pensée que dans cette obscurité périlleuse, il était impossible de porter secours aux victimes. Au-dessus de tous ces bruits, dominaient ceux qui partaient de la montagne fatale, plus puissants et plus variés que les autres. Ces tempêtes, ces torrents, ces épouvantables explosions ne cessaient pas. Les vents apportaient dans les rues, toutes les fois qu'ils y soufflaient, des courants de poussière brûlante et des vapeurs desséchantes et empoisonnées, telles qu'on perdait tout à coup la respiration et le sentiment. Un instant après, le sang, refoulé dans les veines, s'arrêtait violemment. Chaque nerf, chaque fibre éprouvait toutes les sensations de l'agonie. « Oh, Glaucus, mon bien-aimé, mon époux, soutiens-moi. Prends-moi, serre-moi sur ton cœur. Que je sente tes bras autour de mon corps et que je meure dans ces embrassements, je n'ai plus de force. » Pour mon salut, pour ma vie, courage encore, douce Ion. Mon existence est liée à la tienne. Tiens, bois, des torches. De ce côté, ah, comme elles bravent le vent, comme elles vivent dans la tempête, ce sont des fugitifs qui se rendent à la mer. Nous nous joindrons à eux. Comme si le ciel eût voulu ranimer les amants, les vents et les pluies s'arrêtèrent un moment. L'atmosphère était profondément tranquille. La montagne semblait au repos, se recueillant peut-être, pour recommencer ses explosions avec plus d'énergie. Les porteurs de torches s'avançaient lentement. « Nous sommes près de la mer, » dit d'une voix calme la personne qui les conduisait. « Liberté et richesse à chaque esclave qui survivra ce jour. Courage, je vous répète que les dieux m'ont assuré que nous serions sauvés. Allons !» Les torches répandirent une lueur rougeâtre et effrayante sous les yeux de Glaucus et d'Ion, qui, tremblante et épuisée, s'appuyait sur la poitrine de son amant. Quelques esclaves portaient des paniers et des coffres pesamment chargés. Arbacès, une épée nue à la main, les dirigeait avec fermeté. « Par mes pères, s'écria l'Égyptien, le destin me sourit au milieu de ces horreurs. Il m'offre, parmi ces horribles scènes de douleur et de mort, des espérances de bonheur et d'amour. Arrière grec, je réclame ma pupille Ion. » « Traître et assassin, s'écria Glaucus avec un regard foudroyant. « Némésis t'a conduit ici pour ma vengeance, juste sacrifice aux ombres de Hadès, qui semble maintenant déchaîner sur la terre. Approche, touche seulement la main d'Ion, et ton arme sera comme un roseau. Je te déchirerai, membre par membre. » Soudain, pendant qu'il parlait, le lieu où ils étaient fut éclairé d'une lumière rouge et vive. La montagne, brillante et gigantesque à travers les ténèbres qui l'entouraient comme les murs de l'enfer, n'était plus qu'une pyramide de feu. Son sommet parut séparé en deux, ou plutôt, au-dessus de sa surface, semblaient s'élever deux figures monstrueuses, se menaçant l'une l'autre comme des démons qui se disputent un monde. Elles étaient d'une couleur de sang, et elles illuminaient au loin toute l'atmosphère. Mais au-dessous, au pied de la montagne, tout était sombre encore, excepté en trois endroits où serpentaient des rivières irrégulières de lave fondue. D'un rouge vif au milieu de leurs sombres bords, elles coulaient lentement du côté de la cité condamnée. Au-dessus de la plus large de ces rivières surgissait en quelque sorte une arche énorme et bizarre, d'où, comme de la bouche de l'enfer, se débordaient les sources de ce phlégéton subit, et à travers les airs tranquilles, On entendait le bruit des fragments de rochers roulant les uns sur les autres, à mesure qu'ils étaient emportés par ces cataractes de feu, obscurcissant pour un instant le lieu où ils tombaient, et se teignant, l'instant d'après, des couleurs enflammées du courant sur lequel ils flottaient. Les esclaves poussèrent un grand cri et se couvrirent le visage, tremblant. L'Égyptien lui-même demeura immobile pendant que l'atmosphère enflammée éclairait ses traits imposants et les pierres précieuses de sa robe. Derrière lui s'élevait une haute colonne qui supportait la statue de bronze d'Auguste, et l'on eût dit que l'image impériale était changée en une image de feu. Glaucus, la main gauche passée autour de la taille d'Ion, avait le bras droit levé en signe de défi, et tenait le style qui devait lui servir de l'arène et qu'il portait encore heureusement sur lui. Les sourcils froncés, la bouche entrouverte, toute sa physionomie exprimait autant de menaces et de colère que les passions humaines en peuvent comporter. Glaucus attendait l'Égyptien. Arbacès détourna les yeux de la montagne. Ils retombèrent sur l'Athénien. Il hésita un moment. « Pourquoi donc hésiter ? » se dit-il. « Les étoiles ne m'ont-elles pas prédit que la seule catastrophe que j'avais redoutée était passée ?»« L'âme, cria-t-il tout haut, peut braver le naufrage des mondes et le courroux des dieux imaginaires. Eh bien, au nom de cette âme, je serai vainqueur jusqu'au bout. Esclave, avancez. Athénien, si tu me résistes, que ton sang retombe sur ta tête, je reprends Ion. » Il fit un pas. Ce fut son dernier sur la terre. Le sol trembla sous lui avec une convulsion qui renversa tout à la surface. Un fracas simultané retentit à travers la cité. C'étaient les toits et les colonnes qui tombaient de toutes parts. L'éclair, comme attiré par le métal, s'arrêta un instant sur la statue impériale qui se brisa ensuite, bronze et marbre. Le bruit de sa chute s'entendit au loin, le pavé se fondit sous ses éclats, la prophétie des étoiles était accomplie. Edward Bulwer-Lytton.